S-I-M-B-A. Les Kayate, Tcha chez toi. Représente pour la combinaison de MC. Hospital Free. Représente pour Paris. NCT. Pure combinaison. Écoute ça, garçon. Tu t'es pris pour Madame Soleil sans une carte de tarot. T'es taré, raté, t'as raté. Elle par mes mots hantés. Crois tu que j'ai attendu le loup pour apprendre à latter. Latter à côté de la plaquée par mon flow traqué. 3-5 pour pédigrer, là on est ok. Je sais maintenant que je fais chier les mauvais. Sur moi t'as rien misé. Tant pis, les autres en poche. La vie a dit mon team dit que non, je crois en mon staff. Mes proches, le système veut que ma prose engraine. Mes manques de veine arène. MC déchaîne les full vis, y'a pas de l'arsène à scène. T'es percutant dans le vécu en traîne, traîne. Mon flow indigène sur les sentiers de la haine. Au bord de la vilaine, poète du Nord, pour la populace. Écriture grasse, trace, ma thèse, une putain de menace. 9-8, j'apporte un hola au silence discographique. Ma clique et moi-même, on mène l'assaut, on prend des risques. Tiens-toi le pourdit, dis au monde aujourd'hui qu'ici la bâtie qui reprend le contrôle, message aussi. On s'associe, s'organise, tri de freestyle terrorisme. Val possible, pour toi le souci, repris du service. Yo, les MC pris le chiffre, à Mouvac, c'est le black grandit d'Astoria. Pour mes frères, je bosse pour la gloria. Décrit comme Zola quand j'accuse. Mon affaire a battu le record aux assises. Pourtant je ne suis pas papon, ouais. Ceux qui sont top, non. Que 6 mois pour quitter le dragon. J'ai laissé ma pitié à Saigon et à Fleur l'Arbor. Je ne fais pas de grimace comme le lézard. Je suis le serpent directement, je mords. De Panama au 9-15 et je naquis sous les eaux. Aujourd'hui je vole tellement haut que mes ennemis m'ont félicité. Blanche, nègre, ciel du crime organisé. Moubac le spécialiste, le leader pro RAP représente CMP. Quartier ST, j'ai le moral d'acier, pouvoir des Médicis. Vos rappeurs ont capitulaire, rien qu'en voyant ma signature dans l'ex-libris. Je reste de Paris à Memphis, colle comme Pegasus. Vénéré comme si ma mère était à Mélophis. Fistless, j'ai pas une personne, demande à ta reuse. Elle te dira qu'il y a un nouveau cimetière de deuil là-bas. Ronga et le quartier Est, les fontaines sont mortes, les M6 prennent note. L'eau ne coule plus, CMP familia à la côte. Moubac connaît l'anecdote. Lèche pas traîner ta fille, lèche pas traîner ta fille. Aïe, Rost, représente pour le quartier Est, pour la section Carapel, ville mon QG. Trop de QG, Pénéto pour mon projet. Prostituer ta face, ma pour mes projets. Les projets, cruité pour ce freestyle patron. Beat hard, frappe comme un beat dans le bac hardy espriard. Pour un corps à corps, qu'est-ce que t'as à dire, fiston? Laisse pas traîner ta fille, sinon finis dans les vœux, cas du quartier Est. Tu veux l'adresse? Représente 11ème, 19ème, 20ème pour les gars qui font des bites louches. Les MC qui bites louches, ça s'appelle un push. Rafale du mot, Mike, mec, prends ton douce. Fils, fais du bise et nique le flouche. Représente quartier Est, blanche, nègre, corps. Aïe. Natural, M, gros, sénat, une vraie classe. Une pire face, panoramique, un style impérat. Passe en plein d'eau, sale en plein d'eau. Derrière mon toit existe des réalités, peu importe toi ta mission. Mais ma fait avancer, ça tout petit grandit. Un pas après la haute, un pas d'été, la nature est humaine. À moi de jarter, relâche le mic si MP fracasse tout. Relâche le mic, c'est à moi de perdre à 55 secondes sur le mic. Fold ma rime full souk comme un coupe-coupe dans un concert. Wall bat combat, je duple et offre comme un faussaire. La vache, un nouveau son clash pour que j'arrache. Trop de panache, enveloppe la compète comme une vache, main en poche. Pure banalité pour jarter sans sujet, si souvent c'est valorisé. J'ai peur avec de quoi complexer comme un gros clocher. J'ai le calibre qui fait rêver les MC. Pif pas fiston, j'colle au cul comme le fisc. Essaie de friter au MIC, vas-y chiche. Six prems sur le box office, j'nique comme dans un X. Trop qu'aussi faut j'kick comme les synopsis. Laisse ouvert, j'ai peur, vire le plancher. Ça va à tout, va retourne voir le VT. Laisse pas mettre ta run, j'suis né au tarot. Belleville, Sam Tari, c'est là que t'arrêtes. J'te livre un style empaqueté. Relâche le mic, c'est Elijah Finch et Yamche. Aux autres de Zaté. On représente la cité d'or. La cité d'or, manque la jolie. Majestueuse comme un condor. Là où personne ne dort la nuit. Nuisance française. On traîne malaise. Le cul entre deux chaises. Dans un pays où personne n'est à l'aise. C'est tous les jours vendredi 13. On représente la cité d'or. La cité d'or, manque la jolie. Entre la vie et la mort. C'est le combat que j'ai choisi. Si pas le choix. Comment ça? Tu marches et tu crèves. Je serai reine parmi les rois. On représente ceux qui se lèvent. CMP, le délit, manque la jolie. Et connexion, c'est MPKP. Ouais. Envoyé spécial en Red D dans les quartiers S, mec capté. Ici Jellia, et qui est l'envoyé spécial sur le chromie. Ici c'est pour sur les ondes, je viens, je donne max. Promis, je propose que tu te laisses aller avec le hip hop brené qui traîne. De place, correspondant permanent, près de la trentaine, mais je laisse des traces pour le moment. Je quitte les bases, filme les bozos. Usé comme Kaiser, sosé de russes brisés. Pour briser les ondes, j'ai tout sur bande, mémorise et bondi. Pour des reportages bouillants, source bougeante, fuite. Les ondes, tandis que d'autres glandent. Enragé, je fournis quand le public en redemande. Rap de province pour l'amende. SAMY, Kaeli Productions, EDOFR, SAMY. Pote pour host, en première file, je me poste. Prétends pas être le best, pas pour ça que tu peux test. Plus radical que la peste. Demande au prince de l'ouest, si quand on passe, y'a des restes. SAMY, Fredo, mais en l'air, plus un geste. C'est du GMP, si tu veux pas te faire enculer, garde l'appétit. Y'a danger quand on veut t'acculer au mur. Apathie, frère, dur de partir, empêtré dans la masse. Paye pour la patrie en attendant la casse. Hip hop, combat, et rouge sera la terre. En charge, et parti, je suis vert et rage pour assurer que les guerriers soient prêts. Merde, on pétrifie qui sent la mort ici, faut qu'on se fortifie, Samy. EDFR pour la vie, je roule ma bosse, boss devient le boss. Pour te faire des bosses, une bombe j'amorce. Bombe le torse, c'est en écorche, j'écorche. Putain, t'es moche. Oh, je te la dédie avec ma faux, je te fauche et frippe tes poches et te rends une lobe. Tu ne cries pas, t'as plus de voix ou quoi? Ne crève pas encore et ponca, que c'est moi, pas qui t'a foca. Le psycho, du mag venu tout droit de Bordeaux. Représente tout son crew, mec du kung fu verbal pour te faire mal. Un putain de freestyle bâti, je compatis et bâti mon futur avec ma CMP family.